Paul Willis a été invité à Nantes par le Centre Nantais de Sociologie, donc le CENS, le laboratoire de sociologie de l'Université de Nantes, dans le cadre de sa venue en France et donc autour de la traduction en français toute récente aux éditions Agone de son livre « Learning to Labor », donc en français « L'école des ouvriers ». Bonjour, profitons du passage à Nantes en février 2012 de Paul Willis pour nous intéresser à ses recherches et parfaire notre anglais. Interview réalisée avec les complicités d'Ève Murray-Canfort, qui assure la traduction, et de Marie Cartier, qui nous reçoit dans son bureau. Et donc Paul Willis est un théoricien des cultural studies et un ethnographe qui a commencé sa carrière au centre de cultural studies de Birmingham, fondé par Richard Hogarth dans les années 60, et qui a été un endroit et un centre très fertile et très important dans le développement des recherches sur la culture ouvrière, dont son livre est un des exemples les plus remarquables. Well, first of all, it's a terrific pleasure to be here in Nantes, and thank you for interviewing me. And I bring to your listeners very good wishes, both from England, where I was born, and from America, where I work. It's a wonderful pleasure to have an English book translated and brought into France, because it is usual for France to export the intellectuals. There is a famous saying in England and America of French theory. Il dit qu'il est très heureux d'être ici à Nantes aujourd'hui et qu'il voudrait dire aux auditeurs, donc raconter que, en effet, l'histoire de ce livre a un lien avec le fait qu'il soit né en Angleterre et qu'aujourd'hui il travaille en Amérique. Et qu'en fait, il est très heureux que le livre soit traduit aujourd'hui en français, puisque historiquement, en Angleterre, on a une vision de la France plutôt comme un pays exportateur de théories, etc. Et que la French Theory en Angleterre a un statut très particulier et qu'il y a une expression donc, célèbre en Angleterre par rapport à ça. So it is a particular pleasure to be an import into France at long last. And of course, we have benefited from a long line of very distinguished French intellectuals who were imported and helped to make what is now known as British Cultural Studies, which was developed in Birmingham, England. So I spent a lot of my early youth reading French theory from Althusser to Bourdieu. And now it is a little like a dream that I am coming back to the heart of the empire. C'est pour cela que c'est un plaisir particulier de voir le livre traduit en France et d'être lui-même un produit importé en France, dans le sens où, au départ, venant de Birmingham et donc du centre de Cultural Studies de Birmingham, où ce centre-là et les Cultural Studies qui y sont nés ont été très nourris par les théories françaises, notamment celles d'Althusser et de Bourdieu, et qu'il a passé ses jeunes années à lire ces auteurs, et qu'il est aujourd'hui, il vit aujourd'hui un rêve que de pouvoir voir ses propres travaux traduits en français et importés en France. And one of the main interests of the British cultural studies tradition, which started in the 60s in Birmingham. I was very fortunate to be one of the first graduate students in this centre. I was supervised by Richard Hoggart before he came to Paris, actually, as the Assistant Director General of UNESCO. And his famous book, Uses of Literacy, was translated into French very early on. And partly through the influence of Richard Hoggart, partly through some continental influences, we were very interested in working class culture, the culture of the dominated. Un des grands intérêts de la tradition des cultural studies en Angleterre, donc pour les travaux français, a été pour lui un contexte il se considère très chanceux d'avoir fait partie de ce contexte, donc de la naissance des cultural studies en Angleterre dans les années 60 à Birmingham, et la chance d'avoir été un des premiers étudiants de ce centre. Donc il a travaillé sous la direction de Richard Hogarth, qui est donc le fondateur du Centre de Cultural Studies de Birmingham, et qui a eu un succès assez rapide en France avec la traduction de son livre « The Uses of Literacy », donc connu en France sous la culture du pauvre, avant de venir à Paris lui-même. Et que tout cela, tout ce contexte a nourri un intérêt très fort pour la culture ouvrière, la culture des classes populaires, et c'est de là dont est parti son travail. Il y a une question de méthode aussi. Yes, we had a particular view of the experience and meanings of the subordinate class, or as Pierre Bourdieu would call it, the people who live in the bottom of social space. And this was my interest also in trying to define and understand ways of life or meaning making or the sense, the popular folk sense at the bottom of social structure. Very often people who lived in the bottom third or perhaps half of society were invisible. They were just suffering, they were miserable, they were defined by what they didn't have, including a bourgeois notion of culture, Shakespeare, art, theatre. Il défend une vision particulière de l'expérience et du sens que peut avoir la culture des gens donc de classe subordonnée, on dirait, ou comme Bourdieu dirait, de populations qui sont... dans les franges inférieures, enfin dans les franges basses de la hiérarchie de classe. Et ce qui l'intéressait particulièrement, c'était les ways of life, les façons de vivre, la façon dont on peut faire sens de son expérience et de sa position de classe quand on vit en bas de la hiérarchie sociale. C'est retrouver le sens commun qu'on pourrait définir comme étant celui des classes donc du bas de la hiérarchie sociale, qui sont en fait souvent définies comme étant invisibles, misérables, et qu'on définit souvent en fait par le négatif, par ce qu'ils n'ont pas, et notamment par leur accès difficile à la culture telle qu'elle est définie par les classes supérieures. We were exploring the ways in which we could see the working class in a much more positive way, who had their own way of life, their values, their creativities. And we were using anthropological or fieldwork methodologies of contact and interview and hanging around for long periods in order to recognize culture as a way of life and to recognize particular working class ways of seeing the world and to understand working class identity as a positive achievement with good humor, creative use of language, and very often an active participation in commercial popular culture, which made the way of life quite vivid, active, creative, not misérable. L'objectif était de voir les classes populaires dans un sens plus positif. Et donc de retraduire, de retranscrire leur valeur, leur créativité. Et donc cela impliquait en fait un travail de terrain, un travail de contact, d'interview, d'aller auprès, d'aller rencontrer pour essayer de décrire cette culture comme un way of life, une façon de vivre. Et donc de retracer les façons de voir le monde que les classes populaires pouvaient avoir, leur identité. Et ainsi montrer à la fois tout l'humour, la créativité, la part active et créative et vivante de leur rapport à la culture populaire notamment, et donc voilà, rétablir leur créativité et leur activité. I applied this methodology and perspective to working class young people. And looked at an example of working class culture in the school, specifically the counter school culture. I did not realize it at the time, but this became a very celebrated perspective. The book has been translated all over the world. France is late. I foresaw none of this because I turned a problematic upside down. Until my perspective, the counter-school culture was seen as a problem, as pathology, as the bastard kids misbehaving. I looked through my ethnographic perspective at the way of life of these young men in school and turned it upside down. I saw it as a creative working class response to their situation, not a pathology or failure or crisis of education, which very often, even today, the same kids are producing. So this is rather a controversial way of looking at a social problem. And in a way, saying this problem for middle class controllers and educators is a solution for the working class. Il a, pour sa part, appliqué cette méthodologie donc ethnographique aux jeunes personnes de classe populaire et plus particulièrement sur l'expérience des jeunes garçons de la classe ouvrière à l'école. Et il remarque assez vite que c'est une perspective qui a été reconnue puisque le livre a été traduit dans de nombreuses autres langues, la France étant à cet égard en retard. Et donc il a montré, essayé de décrire cette culture anti-école, cette counter-school culture. Et en fait, c'était un réel renversement de perspective par rapport à la vision négative qu'on pouvait avoir à l'époque et encore aujourd'hui de cette contre-culture. Donc, rétablir la créativité, encore une fois, des classes populaires et de montrer en fait à quel point cette culture anti-école était une réponse à leur situation. Et non pas, du coup, se concentrer sur le point de vue des classes moyennes, et notamment donc, des classes moyennes qui sont en position d'être les enseignants, d'être les transmetteurs d'une certaine forme de culture. Et donc, ils pouvaient ne voir dans cette contre-culture scolaire qu'un échec, un problème. Alors que là, l'idée, c'est de montrer que ce n'est pas qu'un problème pour les classes moyennes, c'est aussi une solution pour les classes populaires. And the book we are discussing, they call Des Ouvrières, the title itself says something about the site of the school as a place where future workers develop, but not always along the lines which are defined by the controllers and the educators, but also by the youth themselves. And the book gives a close ethnographic look from the point of view of the young people, because I was sitting in the back of the class and I was interviewing them very regularly to show the active and creative and humorous and very human ways in which they occupied that space for their own purposes, meanwhile causing a lot of problem for the teachers and the head teacher. But I was the first to look at it as a way of life from their point of view. Le titre même du livre, L'école des ouvriers, retrace cette perspective, enfin décrit cette perspective dans le sens où il s'agissait de voir non pas seulement la culture scolaire que l'institution scolaire essayait de transmettre, mais la façon dont des jeunes de classe populaire pouvaient investir cet espace, cet endroit qui est l'école, et créer une culture qui serait la leur et qui serait différente de celle qu'on essaie de leur inculquer. Et donc, la méthode était donc de s'asseoir pour Paul Willis donc, au fond de la classe, de faire des interviews avec ces lads, ces jeunes, et du coup, d'essayer de montrer comment est-ce qu'eux-mêmes occupaient cet espace-là, au sens fort du terme, et donc dépasser, encore une fois, la question du problème que ça pouvait poser aux enseignants, évidemment, puisque là, on parle de chahut, d'une contre-culture scolaire, mais du coup, de rétablir voilà, la façon dont pour eux, c'était de se repositionner du point de vue des ouvriers, des jeunes ouvriers à l'école. Démontrer qu'il n'y a pas de déterminisme. Well, you are asking a profound question there. Since you raised this question, this is exactly my point, that we had, especially in the 60s and 70s, an over-determined view of existence and an exaggerated view of the power of the dominant class and the passivity and lack of creativity of the lower classes. Of course, we never thought it was an equal level playing field. That would be absurd. And there is power, there is institutional domination. We continue to see that. But it is not true, in my view, and the view of cultural studies, that the poor, the weak, the subordinate are always on the receiving end. Very often they have a vibrancy and a solidity and a sharpness of intellect sometimes, which has been entirely overlooked by the dominant class. Il est ravi de voir que c'est une question profonde et théorique qui est ici soulevée, qui est une question finalement qui renvoie à des enjeux philosophiques assez importants, puisque c'est exactement en fait l'idée de fond de ce travail que de dépasser en fait une vision très déterministe et déterministe des rapports sociaux qui étaient prédominants à l'époque. Disant que les personnes qui sont en bas de l'échelle sociale ne sont que dans une position de recevoir et de subordination, de dépendance, et donc ne pas voir l'existence d'une créativité. Paul Willis, auteur de L'école des ouvriers, paru aux éditions Agone, est l'invité du magazine. Charbon jusque dans les assiettes, tout à vendre, les maisons, les commerces, les rues désertes, que tous les jours tu traverses, et la détresse, comme colocataire, qui te glisse tous les matins à l'oreille. Un jour je t'aurai. Canapé, livre mort défoncé, l'avenir, baisser les bras, renoncer, le cauchemar. Le fracas de l'usine, personne n'entend, dans le vacarme des machines, goutte à goutte, la raison disparaît, le cerveau, les poumons dévorés, emportés, emportés. À 200, sur l'avenue de l'usine, seul moyen de se sentir exister. Le portail, le barrage, la grande cheminée, à 200. sur l'avenue de l'usine, à 200 sur l'avenue de l'usine, tu peux hurler, tu peux hurler. Poursuite de l'échange en compagnie de Paul Willis et Dave Murray-Camphor. Après, il ne s'agit pas de nier qu'il existe du pouvoir, qu'il existe de la domination. Ce n'est pas un jeu à part égale, ça c'est sûr, et ce serait absurde de dire le contraire. Mais que la défense, l'idée étant de quand même aller voir la créativité, la force et la perspicacité intellectuelle et pratique qu'on peut trouver dans les classes populaires et qui a été largement ignorée et minorée par la plupart des théories culturelles et sociales précédentes. This is the scientific value of the ethnographic method, and I hope some at least of your readers will actually look at the book. And I defy them not to laugh. I defy them not to smile. I defy them not to say these are active social agents, not passive victims. There are hundreds of pages here of detail from everyday life, and my evidence, my scientific case, is the detailed description of this active way of life. En fait, cette posture et la valeur scientifique qu'apporte l'ethnographie, et il défie les auditeurs d'aller lire le livre et de ne pas rire, de ne pas sourire à tous les nombreux extraits des interviews qui sont faites, et donc qui montrent que ces jeunes-là sont des agents actifs, des personnes actives et non pas des victimes passives telles qu'on pourrait les décrire. Et que le livre est plein de détails de la vie de tous les jours qui sont pleins d'humour et d'une forme de créativité qui est évidente. Even Pierre Bourdieu, who I think is still the world's most influential sociologist, and I admire him very much, even Pierre Bourdieu had a too pessimistic view of the condition of the subordinate groups and popular classes. He did not, in my view, give them sufficient credit for having their own views, their own sharpness, their own humour, their own way of life, which has to be credited, even though, generally speaking, the media, professional groups, educational groups, continue to pathologize this group. Même Pierre Bourdieu, qui reste encore aujourd'hui le sociologue le plus influent aujourd'hui et que Paul Willis admire beaucoup, avait une perspective trop pessimiste par rapport à ces populations. Il ne leur donnait pas assez de crédit, assez de reconnaissance, notamment par rapport à leur capacité de construire et d'avoir leur propre point de vue, leur propre façon de vivre, leur propre créativité. Et qu'il s'agit dans ce livre notamment de les créditer de cette force-là, de cette perspicacité dans leur pratique. Et ce, alors même que les médias ou les groupes professionnels, les groupes éducatifs sont encore dans une pathologisation de ces populations. I continue to give the heart of the argument and then you edit afterwards, poor fellow. I also argue, and it is a philosophical point of view, that there is a kind of thought in popular culture as lived in the popular classes, that an understanding of social process is not only amongst the intellectuals and the commentators, but it is amongst the people. And I analyze this long ethnography from the point of view of their social analysis of their condition. And I come up with a number of points about how they saw their own social reality and social position and social destination more clearly and more realistically than did their teachers. Derrière tout ça, en fait, il y a vraiment une question philosophique très importante. Paul Willis défend l'idée qu'il s'agit ici de défendre le point de vue des classes populaires sur leur propre situation, leur propre situation sociale, mais aussi leur propre destinée sociale. Et c'est l'idée qu'il faut restituer la compréhension qu'ils ont des processus sociaux dans lesquels ils vivent et qu'il existe chez eux une façon de voir leur position sociale encore et les processus sociaux qui est légitime et tout à fait perspicace et qu'il faut arrêter de penser qu'ils ne sont que dans une position de soumission et d'absence de compréhension. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de défendre une façon de voir le monde qui serait la leur et qui serait tout à fait pertinente par rapport aux processus sociaux qui les oppriment. J'essaie de comprendre pourquoi autant d'années pour cette traduction. Il me semblait à la lecture de la première partie du livre qu'elle était, alors je ne sais pas si ça a du sens de le dire comme ça, mais très... Anglo-Saxon. We have a short interview on a complicated book, and I hope we will persuade some people to read the book. So I mainly want to say this is a detailed look at a way of life which is given dignity. But of course there are many other features I look at, and the sexism of the boys I focus on is very obvious. Actually, I make a theoretical argument about that, because in the end, their social vision and understanding that I talk of does not lead to social action and social change, partly because it is tied up with gender and masculinity. It is almost as if through an emphasis on their masculine identity, they blunt or displace their class and economic identity. So gender is both a vehicle for importance, but it is also a betrayal, as well as producing division in the working class and oppression for women. At the same time, they had markedly racist views about African origin West Indian immigrants to England and Asian immigrants. And they also felt some of their superiority through race grounds. So you could argue they used gender and race to reverse class and economic domination. And of course in France you do not have sexism, you do not have racism, and the Republic, which I admire very much, says all individuals are free and equal. But as your wonderful French sociologist will tell you, France does not escape social gravity and social laws. And there are, to me, very obviously gender and race divisions in French society. And I would be amazed, though I have not done ethnography in France, I would be amazed if you go to the poor suburbs and the working class areas that you will not find very similar cultures of aggressive working class masculinity, which are using sexism and racism to find an identity which is challenged on other grounds. And this is a complicated argument. So, en français. Oui, pardon. C'est une trop courte interview pour aborder des questions qui sont très compliquées. Mais en tout cas, au-delà donc de cette remise en détail et en perspective de leur façon de vivre et de cette dignité qui est la leur, il est évident que dans la description, donc dans le livre, des façons de faire et de voir de ces jeunes ouvriers, le sexisme et le racisme sont très présents. Donc le sexisme, en fait, c'est une façon pour eux de marquer leur domination et leur supériorité sur une autre catégorie de personnes pour finalement inverser leur domination de classe. Et donc c'est une façon comment dire, c'est quelque quelque chose qui fonde leur vision du monde et leur société, leur culture, mais qui, à la fin du livre, on le montre bien, n'amène pas à un changement social ou à une action collective par rapport à cette domination-là, puisque justement, cette emphase de la masculinité sur laquelle se fonde un sentiment de pouvoir est à la fois un véhicule donc, d'une importance sociale, mais aussi une sorte de trahison à la classe, puisque c'est un phénomène qui divise la classe et qui, en plus, oppresse les femmes. Et c'est le même processus sur le racisme, c'est-à-dire que le processus de différenciation par rapport aux immigrants et de distinction sociale qui est utilisé pour eux, pour se valoriser, finalement, est raciste et divise encore une fois la classe. Donc il y a clairement un usage en fait de la part de ces jeunes ouvriers du genre et de la race pour inverser les effets de la classe. Et il défie quelconque ethnographe français d'aller dans des quartiers populaires de France et de ne pas trouver cette culture agressive des classes ouvrières qui est fondée aussi sur une masculinité très affirmée et qui, il le pense, aussi puissante en France qu'en Angleterre. Ce qui est décrit en 77 nous éclaire sur ce qu'on vit, nous, en 2012. Some things don't change so much, or as we say in English, plus ça change, plus c'est la même chose. These are long tides which, of course, are developing, but some of the empirical feel and evocation of the book, I think, will strike your readers. It is a very odd thing about ethnography. And something about my rescuing of a subordinate culture and sharpness, humor, wit. In many countries, I have people say, I know these kids, or I was in that school. I think you will find the social phenomenon is extremely recognizable, even over change. And of course, the specific question of why now in France is, you know, you will have to ask the French intellectuals, but perhaps there is something about the urban, raw, race, open context where England was a little ahead of France, or at least the recognition of the reality of cultural diversity, and something about realist social perspective is coming a little later. But of course, France was always the leader in intellectual thought, so I say this very carefully. But it is possible England was kind of more full of contradiction earlier. Donc il y a des choses qui ne changent jamais. Il y a une expression en anglais qui est utilisée en Angleterre beaucoup, qui dit « plus ça change, plus c'est la même chose ». Mais il pense que le sentiment, la sensation, la sensibilité ethnographique qui est retracée dans le livre parlerait encore aujourd'hui et à travers des cultures nationales différentes et donc des époques différentes à beaucoup de gens. Et il raconte que beaucoup des interlocuteurs qu'il rencontre au fur et à mesure des traductions qu'il y a eues se sont reconnus beaucoup dans ces récits, dans cette expérience populaire de l'école. Et donc, il pense qu'il y a énormément de points communs à travers les cultures et à travers les âges qui étonneraient plus d'un. Après, pourquoi maintenant en France ? Pourquoi la traduction maintenant en France ? C'est peut-être quelque chose qui a à voir avec les questionnements aujourd'hui sur cette culture urbaine, cette culture des jeunes dans la cité, dans cette urbanité galopante. Et peut-être quelque chose, un contexte de contradiction à la fois sociale, ethnique, etc., qui a été faite plus tôt en Angleterre, alors même que le contexte français intellectuel est très vivace. C'est sûr que peut-être qu'il y a eu une prise de conscience par rapport à ces problématiques-là qui a été faite plus tôt en Angleterre et qui est peut-être faite maintenant aujourd'hui en France. Une remarque terminale, donc j'ai lu la version en français, ça me donnait envie de lire notamment sur les interviews, les échanges entre les jeunes, de le lire en version originale, parce que je pense que j'améliorerais bien mon anglais. Well, it's for your readers, this is a terrific way to learn English. So have the English version and have the French version, and you will find a lot of the language of the academy, which is often French, but you will also find the language of the street in the industrial Midlands of England. And of course, the problems of translation are huge because England is full of different accents. And these lads speak with the West Midlands working class accent. And that is very difficult for the translator. But I think you will see part of the value of the book is to give a representation of workers and how they speak, feel and think. And I don't think that's changes so much. In every advanced capitalist country, there is a particular way of life and way of speaking and way of humour amongst the workers, which is far from simple defeat. Oui, c'est sûr que la lecture en anglais du livre serait un moyen assez incroyable d'apprendre l'anglais parce qu'il y a dans ce livre à la fois le langage académique, donc anglais, mais aussi donc, le langage de la rue. Mais qui est un langage bien particulier, puisqu'en Angleterre, l'Angleterre est pleine d'accents très différents, et que celui-là, en l'occurrence, celui des lads, c'est celui des Midlands industriels de l'Angleterre, et en plus de la classe populaire. Donc c'est un accent qui est très particulier, et c'est très difficile, en effet, pour la traduction. Mais qu'en tout cas, il rappelle qu'on trouverait partout des formes, si ce n'est similaires, du moins analogues, à une façon particulière de vivre, de parler, de faire de l'humour, qui reste tout à fait intéressante à étudier et à rétablir dans sa créativité. Merci à Paul Willis, auteur de L'École des ouvriers, paru aux éditions Agone. Merci à Eve Murray Canfort et Marie Cartier pour leur complicité et ou leur libre participation à ce magazine, réalisé avec le concours du Sens, le Centre Nantais de Sociologie.